On a évoqué précédemment la situation du transport aérien durant cette crise du Covid. Le transport aérien, en nombre de passagers, est divisé par 4 et en nombre de mouvements, il est divisé par un peu plus de 2. On va s'arrêter maintenant sur le témoignage de Christelle, qui se trouvait, elle, à Dakar quand les frontières se sont refermées. Elle nous raconte son retour mouvementé en France. Là, en fait, on est parti quand la situation est encore à peu près à la normale, on va dire. Et même à l'aéroport, les gens étaient très rassurants en disant « mais non, il n'y a pas de souci, personne ne portait de masque, on n'a pas du tout été contrôlé ». Et en fin de compte, en 2-3 jours, ça a complètement basculé. Il y a eu l'annonce du président concernant le confinement, la fermeture des frontières, etc. Et donc là, tout s'est enchaîné. Et au final, on est resté 5 jours. Ouais. Donc, tu es parti au Sénégal. Donc, l'Afrique, à l'époque, n'était pas touchée par le coronavirus, même si, comme tu l'expliquais, on commençait à en entendre parler de plus en plus en France. Ouais. À aucun moment, tu n'as douté par rapport à ce départ? Alors en fait, l'Afrique s'y commençait à être touchée, enfin surtout le Sénégal en fait, qui était un des premiers pays africains touchés. Et en fait, quand je suis partie, c'est qu'en fait j'avais qu'une crainte, c'était de ne pas pouvoir partir. Mais je me suis dit, la situation va se propager en Afrique. Je me rends compte que j'ai eu un raisonnement égoïste, il faut le dire, et pas vraiment responsable. Et en fait, jusqu'à ce que vraiment on ne puisse plus partir, moi je me disais, allons-y, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Et c'est vrai que une fois atterri là-bas, on s'est rendu compte que la situation était quand même assez anxiogène déjà au Sénégal, parce que ça parlait en boucle de ça dans les taxis, etc. Et on a peut-être pu profiter 2 jours, mais au final c'était toutes les conversations tournaient autour de ça, quoi. Donc même pour découvrir un pays, c'est pas l'idéal. Ouais. Ça t'a fait prendre conscience aussi de tu l'avais certainement déjà par ailleurs sur d'autres sujets, mais de ta responsabilité en tant que touriste, en tant que voyageur? Oui, j'ai déjà fait un tour du monde, etc. Donc j'avais pas mal cette conscience d'avoir vraiment une responsabilité en tant que voyageur auprès de la population, auprès de la faune, de respect vraiment de l'endroit que je visite. Mais là, ça met quand même une petite dose d'humilité où tu te dis, ton voyage, enfin, faut arrêter de se regarder le nombril, et ton voyage, c'est rien, quoi. Si ton voyage, il est avorté, c'est pas grave. Et il faut essayer de prendre un peu de recul et de se dire que tous nos gestes ont un impact au final. Et moi, j'avais qu'une peur, c'était d'avoir la maladie et de la redonner aux gens au Sénégal. Et ouais, ça m'avait même pas effleuré l'esprit, donc heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que dans une situation un peu inédite comme ça, je me rends compte que jusqu'à ce qu'on me dise que c'est bon, moi, je me suis pas posé de questions. Mais à un moment, faut être aussi un petit peu responsable de ses actes et essayer de réfléchir un peu plus loin, quoi. Ouais. Alors, on t'a appelé surtout pour que tu nous racontes un petit peu le retour. Donc, quelques jours seulement sur place, on l'a compris, c'était vraiment pas une ambiance pour visiter et pour découvrir un pays. Et... j'ai quand même adoré, hein. On imagine. Mais le retour, du coup, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on parle de rapatriement à ce moment-là. Alors moi, j'ai même pas eu le droit au rapatriement parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu conscience assez tôt du souci, surtout mon ami qui en fait avait des impératifs en France que moi je n'avais pas forcément vu que je travaille en freelance. Et du coup, on s'est intéressé très vite aux situations, aux options pour rentrer en France. Et en fait, quand on a été à l'aéroport, c'était vraiment la cacophonie parce que on avait vraiment, c'était les montagnes russes. De mi-journée à mi-journée, la situation changeait. On n'avait pas du tout les mêmes informations. Et du coup, c'est dur, en fait, de prendre une décision quand t'es tiraillé entre l'envie de rester et de se dire, peut-être qu'après tout, ça posera pas de soucis. Ouais. Et la situation un peu alarmiste quand t'as tes proches, tes parents qui s'inquiètent et qui te disent non, faut vraiment rentrer. Et en fait, c'était difficile parce que les prix des billets d'avion gonflaient, mais de façon indécente. Et du coup, on a quand même réussi à avoir une place dans un avion après moult péripéties. On a dû attendre toute la journée à l'aéroport. On nous a dit peut-être vous pourrez pas rentrer, peut-être que si. On nous a proposé des billets à 1 600 € en business. C'était inconcevable qu'on paye ça. De toute façon, on n'avait pas l'argent. On essayait de nous vendre des billets qui n'étaient plus valables parce qu'il y avait des escales et que les pays fermaient. Enfin, c'était un micmac pas possible. Et au final, bah, on a réussi à rentrer et on a appris quelques jours après que la France organisait des rapatriements un petit peu partout, avec là des prix de billets plafonnés, donc plus raisonnables. Voilà. Ouais. Tu regrettes de ne pas avoir attendu justement ce rapatriement ? Bah, pas, non, pas forcément, ça ne change pas grand-chose. Nous, on a eu des billets à prix assez raisonnable, on va dire, mais de toute façon, on n'aurait pas pu profiter des jours qui restaient, puisqu'en fait, le confinement s'est mis en place très vite au Sénégal, tout était fermé, et en fait, heureusement, on avait des Sénégalais qui étaient le cœur sur la main, qui nous proposait de nous héberger et de nous aider. Mais en fait, il y avait aussi des hôtels, souvent gérés par des Français ou des Occidentaux d'ailleurs, qui refusaient d'accueillir des Français, en fait. Et ouais. qui commençaient un peu à... Bah, on sentait le vent tourner, en fait. Donc, au final, rester un jour ou deux de plus, ça ne changeait pas grand-chose. Ouais. On se dit, être confiné au Sénégal ou être confiné en France, finalement, c'est pareil. On est enfermé à l'intérieur. Mais là, ce que tu dis, c'est que ça aurait été très difficile, finalement, de pouvoir le vivre au Sénégal. Alors, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que si... Parce qu'en fait, j'avoue que j'ai une part de moi qui me disait... Bon, j'essaye de tout faire pour rentrer, mais si, malgré tout, je suis coincée, je serais contente. Mais ma conscience me disait qu'il fallait quand même que j'essaye de rentrer. Et en fait, on s'était dit que si on restait coincé, peut-être qu'on pourrait louer un Airbnb et du coup rester confiné au Sénégal. Mais c'est quand même un coup. Et en fait, l'inconnu qui était assez angoissante, c'était que bah, quand est-ce qu'on pourrait rentrer ? Et autant, bah, moi, j'avais pas d'impératif, mais mon amie, elle avait des impératifs professionnels aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui faisaient qu'au final... être confiné dans un pays que tu connais pas forcément, loin de tes proches, c'est pas comme si tu pouvais aller tous les jours à la plage et que tu pouvais profiter. C'est quand même particulier. Ouais. Donc, pas de regret par rapport à ça. Avec le risque aussi d'une contamination et de la maladie et de devoir se faire du coup hospitaliser au Sénégal. Voilà, c'était aussi une des inconnues où on se disait... Bah, si ça prend comme ça a pris en Europe avec le système enfin des hôpitaux etc au Sénégal, on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Bon, au final, ils ont l'air quand même moins touchés qu'en Europe, heureusement. Et mais ouais, il y avait trop d'inconnus pour faire ça alors qu'on était censé partir 3 semaines, quoi. Ouais. Comment tu vois l'avenir par rapport à ces nombreux voyages que tu as l'habitude de faire ? Les choses ont forcément un peu changé maintenant. Oui, bah j'essaie déjà de pas me donner une date pour repartir parce que là tout le monde est dans l'inconnu et le temps que tout se remette en place dans ma tête, je me dis que de toute façon je pars pas avant mi-2021 voire fin 2021. Et pour moi, enfin c'est déjà un changement que j'avais opéré en rentrant autour du monde, mais pour moi ça invite vraiment à prendre du recul, à s'interroger de façon globale. Enfin là, c'est un peu un tournant dans l'histoire, je pense. En tout cas, faudrait le prendre comme ça et une opportunité de revoir sa façon de vivre parce que c'est une grosse crise, mais je pense que ça sera pas la dernière. Et donc moi personnellement, j'avais le projet de partir en fin d'année en Afrique 3-4 mois. Bah là, en fait, je me dis que quand je pourrais repartir, en fait, je vais partir beaucoup plus longtemps. Je vais juste prendre un billet aller. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de faire du slow travel et de au lieu de prendre en tant que voyageur et en tant que touriste, j'aimerais aussi apporter à l'Afrique, parce que moi, vraiment, c'est un continent qui me tient énormément à cœur, et de me dire que je vais vraiment prendre le temps, non seulement pour voyager surtout en bus et en train, prendre l'avion le moins possible et aussi m'engager dans des associations. Enfin, justement, pendant le confinement, j'ai pensé à plusieurs choses pour justement me rendre utile et donner un sens à mon voyage autre que mon plaisir personnel. Ouais. Quoi. Ouais. Et donc, voilà, là, l'idée, ça serait de repartir en mode ouf. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais il va falloir être très patient en attendant et je vais privilégier la France, en tout cas en attendant, c'est sûr. Ouais. Donc, choix. Dans tous les cas, pour toi, pas d'avion avant, tu le disais, un peu plus d'un an au minimum. Bah moi, je Enfin, sincèrement, je vois pas comment le truc ne peut pas repartir, sachant que il faudrait que chaque pays ait vraiment endigué l'épidémie, que chacun sache la maîtriser. Alors, le seul recours, ce serait vraiment d'avoir un vaccin, je pense. Après, je suis pas du tout spécialisée et pour tout dire, j'essaye de lire le moins de choses possible pour pas me polluer l'esprit. Mais moi, dans ma tête, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'on puisse reprendre une activité de voyage normale fin d'année. Enfin, ça serait un peu un non-sens et je pense qu'il privilégiait quand même la prudence. En tout cas, j'essaye de pas me donner de date parce que je vais être forcément déçue. Donc ouais, j'essaye de prendre ça comme une opportunité de d'économiser et de faire un voyage de plus long terme du coup quand ça sera possible. Ouais. Merci en tout cas pour ce témoignage, Christelle. Merci beaucoup.